Histoire numéro 10. Le tsar veut élever Jaïel au-dessus de tous. Dites-moi, monsieur Cholem Aleichem, comment se fait-il que tous vos livres soient pleins du récit du sacrifice d'Isaac? Prenez par exemple le jour de l'an et Kippour. À tout bout de champ, nous rappelons à l'Éternel, souviens-toi du sacrifice d'Isaac. N'oublie surtout pas le sacrifice d'Isaac. Autrement dit, n'oublie pas le bien que nous t'avons fait par l'intermédiaire de notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Quand on arrive au passage, souviens-toi du fils attaché sur le bûcher. Le chantre se met à piailler comme un rossignol. Et tout ça, parce que son créateur a ordonné au vieux de sacrifier son gosse. Quel boucan on en a fait! Faut les écouter, les fidèles, qui hurlent à la mort. Tellement de milliers d'années ont passé depuis, et la dette n'est toujours pas payée. Vous vous dites que je me moque du Tout-Puissant et de ses prières, hein? Vous vous doutez bien que ça, c'est pas mon style. Nous voguons ensemble sur ce bateau depuis plus d'une semaine. Vous devez déjà me connaître, non? Moi, je suis un petit hérétique de rien du tout. Je veux juste dire que dans cette histoire-là, Dieu a seulement voulu mettre Abraham à l'épreuve, pour éprouver sa fidélité, en somme. Eh bien, figurez-vous que le tsar, il a estimé que je devais punir mon propre fils de mes propres mains. Vous entendez ça ou non? Que ses os pourrissent sous sa peau s'il y arrive. Même à supposer qu'il me menace de mort, moi aussi, la mort. Écoutez ça un peu. La preuve en est, ah, j'oubliais que vous aimez que l'histoire se raconte d'elle-même, lentement, gentiment, comme on dit à l'église, sans mettre Pâques avant les rameaux. Moi, en fait, je suis fait du même bois que vous, voyez-vous, surtout que nous avons tout le temps sur ce bateau. En bref, nous en étions là que les Polaques avaient taillé une bavette avec le tsar, selon quoi, nous autres, les Juifs de Krouchnik, nous avons fait ami-ami avec l'Allemand. La preuve? Mon fils Jaïel était promu Burgmeister, à savoir Burgmeister en bon allemand. Existe-t-il une preuve plus évidente que celle-là? Et là, vous faites erreur. Il n'y avait pas tellement de choix. On vous tient par la gorge et on vous dit « Te voilà Burgmeister, sinon une balle dans la tête. » Ils s'en foutent. Tu es russe et tu nous dois obéissance corps et âme. Fais-toi tuer et reste fidèle. Mais ça, c'est valable quand le pays, c'est mon pays. Quand ma propriété est sauvegardée, quand ma personne est protégée, et quand ma femme et mes enfants sont à l'écart de tout danger, mais quand la terre n'est pas à moi. Comment me le fait remarquer tous les jours, quand on me dit que je suis un étranger ici, et persona non grata, et qu'on me chasse de partout, et qu'on me poursuit comme un chien, et qu'on ajoute que ma propriété ne m'appartient pas, que mon corps leur revient de droit, qu'ils peuvent tuer ma femme s'ils en ont envie, violer mes filles si ça leur chante. Sans compter que je n'ai pas le droit à la défense, vu qu'il s'agit là d'une ingérence dans les affaires des autres, vous saisissez ou non? En bref, nous voilà convoqués, nous autres les notables de Krouchnik, chez le très haut seigneur, le général de division russe, pour lui expliquer quelles affaires nous avons traficotées avec l'Allemand. Et en premier lieu, mon Jaïel devait expliquer comment on l'avait nommé Burgmeister. Et là, on ne rigole pas. Quand le tsar vous appelle, vous arrivez. Surtout qu'ils avaient envoyé des soldats, des cosaques, pour nous amener. Et nous voilà tous en route pour le grand commandement, tous, sauf le rabbin, pour la bonne raison qu'il se balançait sur sa corde en pleine place du marché. Il avait sans doute rendu son âme à Dieu depuis pas mal de temps, bien qu'il eût encore des gens qui prétendaient l'avoir vu se promener dans les rues, les chines basses, son livre de prière à la main. Et moi, je veux bien le croire, parce que dans un enfer pareil, tout est possible. Mais je vois l'incrédulité dans vos yeux à vous, monsieur Cholem Aleichem. Croyez-moi ou non, c'est votre affaire, vous savez. Si vous aviez été de chez nous, de Krouchnik, je vous assure qu'en voyant toutes ces horreurs, vous aussi, vous auriez commencé à croire à toutes ces sottises. Pourquoi j'appelle ça des sottises? Parce que finalement, ce n'est pas logique de voir un pendu se promener comme ça dans les rues, sa canne à la main. Et si nous sommes dans une histoire de tohu, du chaos et de l'autre monde, eh bien, il faut aussi croire à ce qui est arrivé au petit de ma fille. Un bambin de 6 mois qui se relève dans son berceau et commence à sortir des prophéties sur l'avenir de cette fichue guerre. Et voilà tout Krouchnik qui s'émeut. Ce n'était d'ailleurs pas tant la faute à ma fille qu'à son crétin de beau-père, le dénommé Ézéchiel à Ménoua. Mais encore une fois, je mélange deux histoires. Et vous le savez bien, j'ai horreur de ça. Mais c'est comme la mer qui gronde autour de nous et qui se demande ce qu'elle a dans la tête. En bref, Voici toute l'histoire. Donc, nous voilà tous convoqués chez le maréchal Nick, moi, mon Jehiel et tous les notables de Krouchnik. Nous marchons, des Cosaques devant, des Cosaques derrière, des Cosaques à gauche et à droite. Sans oublier tous les Polaques de la ville qui nous faisaient un gentil cortège en riant aux éclats, en criant « Jelitch, Beilich, Oura !» Et voilà les Cosaques et les Polaques qui s'accouplent pour observer le commandement. Et tu feras un pogrom en bonne et due forme. Attention, les flaques, eux, ne touchent à rien. Ils indiquaient juste aux Cosaques où chercher. Ils prenaient seulement l'initiative. Ce sont les Cosaques qui faisaient le boulot, dans tous les détails de la bonne tradition. Ils ont éventré les matelas, ont fait voler les plumes, ont tout chargé sur des carrioles, ont torturé les hommes aux yeux des femmes et violé les filles devant leur mère. Et les Polonais, juste ils se frottaient les mains de satisfaction. Vous voulez savoir quel châtiment nous ne souhaitons pas même à nos pires ennemis, les Polonais? Quelle punition ces diables rouges n'ont-ils pas mérité chez le bon Dieu? À mon avis, il n'y a qu'un seul coup qu'ils méritent tous, et à mon avis, ils ne vont pas tarder à le recevoir, Dieu merci. Selon moi, de toutes les promesses que les Polaques reçoivent en ce moment des deux côtés, ils vont se ramasser une de ces gamelles à s'en briser les os, et ils vont aller se faire voir. Le tsar va leur refiler un sacré coup de massue et l'allemand un vache coup de trique. Comme on raconte chez nous dans les livres à propos de ce type qui avait deux femmes, une vieille et une jeune. Toutes les deux l'aimaient. La jeune lui arrachait chaque jour un cheveu blanc et la vieille un cheveu noir. Et finalement, il est resté chauve des deux côtés, vous voyez? Ou c'est comme l'histoire des deux loups qui se disputaient un mouton. Finalement, à force de tirer chacun de son côté, ils l'ont coupé en deux. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires de ce genre, n'est-ce pas? Mais vous savez que j'ai horreur de raconter les choses en long. Maintenant, vous me pourriez me faire l'objection suivante. Comment cela se peut-il? Comment un juif, quelle que soit sa détresse, peut-il souhaiter un tel traitement, même à ses ennemis? Les sages ont pourtant bien enseigné. Ce que tu as en horreur, ne le fais pas à autrui. Vous avez peut-être raison, mais moi... J'aurais préféré que quelqu'un d'autre se trouve dans ma situation. Disons que pour les coups de poing et les coups de tête que j'ai reçus des Cosaques, sur la route vers le commandement, je vous pardonne. Bon. Nous voilà arrivés au camp militaire en question, et on nous fourre dans des clapiers comme des oies à l'engrais, chacun le sien. Et ça commence avec les interrogatoires et les pressions au sujet des Allemands. Et d'où nous avions tellement d'or? Et d'où nous avions sorti autant de pain et de munitions pour les Allemands? Enfin, qu'ils aient une longue vie, les Cosaques, comme les Polaques. Bon. Voilà le commandant. Un type à la bouille toute rouge, avec des épaulettes, un colonel chic, peut-être, ou rien qu'un capitaine, va savoir. Qui s'enquiert? Dites donc, les Juifs, qui c'est le gîte Jacob, ici? J'annonce. Jacob, c'est moi-même. Le général, ou colonel chic, va savoir. Me demande. Dis donc, c'est ton fils, le dénommé Jehiel, que les Allemands ont promu grand chef. Je réponds, oui, Jehiel, c'est mon fils. Il a été nommé Birgmeister pour un petit moment, le temps que vous reveniez à Krouchnik. Comme ça? Moi, je vais te montrer comment je vais lui donner de la promotion. Tu vas voir comment je vais l'élever au-dessus de toute la ville. Et il m'attrape par le bras et me tire dehors pour me montrer de quoi il parle. J'aurais eu envie de lui arracher le cœur et le foie en même temps, et lui qui continue. J'imagine que ton fils est bien cher pour toi, hein? Eh bien, c'est toi-même qui vas lui accorder la décoration que je lui réserve. Et je me demande, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est clair que le colonel, le capitaine, là, il va pas décorer mon Jehiel, pas plus que l'Allemand ne l'a fait. D'un autre côté, s'il s'agissait d'une médaille, les Polaques en auraient plein la gueule, mais alors, pourquoi les Cosaques? Pourquoi les coups de poing? Pourquoi les clapiers à lapin? Et je sens sur moi une masse d'un quintal et demi, qui m'oppresse le cœur. Et peut-être, c'est comme ça chez le tsar? Bon, on va encore vieillir d'une seconde et on saura la vérité. Effectivement, j'ai vieilli d'un coup, mais il a duré 100 ans. Comme j'arrive dans la cour avec le général, le colonel Chic, quoi, alors tous les doutes s'envolent. Je vois mon Jehiel, les mains attachées derrière le dos à un arbre, et deux anges de la mort cosaque à sa gauche et à sa droite, et son beau visage gris comme la poussière de la terre. Quel malheur! Je vois maintenant comment on va l'élever, mon Jehiel, et comment on va le décorer. Mais tout ça, c'est encore du gâteau. en comparaison du sacrifice rituel qui va suivre. Comparé à ce général-colonel, que la peste le poursuive tous les jours et les nuits de sa vie. Aman, c'était un trésor. Pharaon, un ange dans son berceau. Titus, un bon chien. Bon, je vous demanderai de me laisser me remettre une petite heure et j'imagine que vous aussi, vous avez bien besoin de remettre vos idées en ordre un moment. D'ailleurs, après le lavage de cerveau que je vous ai déjà fait subir, vous vous en souviendrez de votre copain polonais sur le bateau. Dieu vous a épargné les Cosaques sous et les Polonais ivrognes, et il vous a refilé un juif polonais avec ses histoires, Jacob Jonever, le Yonevois de Yonev. Vous comprenez ou non?